الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، البارحة بحمد الله تبارك وتعالى رأينا بعض العبادات وأدلتها، أي على كونها عبادة، وذكرنا كيف نعرف أن هذا العمل عبادة. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié certaines adorations et avons démontré la preuve du Coran pour Al-Dua, pour Al-Khawf, la crainte, ou Al-Raja, l'espérance. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous allons voir la suite des adorations citées par l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. طيب avant ça, والدليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Concernant l'espérance, l'auteur nous cite le verset où Allah Azza wa Jalla nous dit « Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur. » Ici on voit que l'espoir de la rencontre d'Allah est ce qui nous a poussé à agir, à faire de bonnes actions. C'est donc une chose louable qui reçoit les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une adoration. De ce verset, les savants ont pris les conditions d'acceptation des actes, qui sont al-ikhlas ou al-mutaba'a. Donc de ces deux versets, les savants ont tiré que pour une action soit acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala, il faut deux choses. Premièrement, l'ikhlas, la sincérité, le fait d'agir et que cette action soit faite à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et deuxièmement, le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. L'amalu salih, l'action pieuse, c'est l'action qui a été faite sincèrement pour Allah, à la recherche de son agrément et conformément aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce verset, il y a l'interdiction du polythéisme sous toutes ses formes. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ça englobe toutes les formes, ou bien l'interdiction de toutes les formes de polythéisme. Et également avec Ahada, qui est Nakira, indéterminé, ça englobe tous ceux à qui on pourrait vouer le culte en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. التَّوَكُّل هو الاعتماد. التَّوَكُّل, le fait de compter sur autrui dans une chose. At-tawakkul lughatan al-i'timad 'ala al-ghayr. Wa shar'an sidqu i'timad al-qalbi 'ala Allah ta'ala ma'a thiqati bihi fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى مع الثقة به في جلب منفعة أو دفع مضرة. Donc, at-tawakkul, c'est le fait de compter pleinement sur Allah et avoir pleinement confiance en lui dans l'acquisition d'un bien ou pour qu'un mal soit repoussé de nous. At-tawakkul, c'est le fait de compter pleinement sur Allah et d'avoir pleinement confiance en lui quant à l'obtention d'une chose utile ou pour repousser de toi une chose nuisible. Donc la personne agit, elle fait les causes, elle cède d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela, elle abandonne son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala, elle compte pleinement sur lui et a la ferme conviction qu'Allah est parfaitement capable de lui donner ce bien et de repousser de lui ce mal. Voici ce qu'est tawakkul. Et c'est une des plus grandes adorations. La preuve qui nous montre que tawakkul est une adoration, remettez-vous-en uniquement à Allah si vous êtes vraiment croyant. Fi hadhihi al-aya amara Allah al-mu'minin bit-tawakkul 'alayhi. Idhan al-amru bih. Hadha wajhu ad-dilalah. Que nous montre dans ce verset? Qu'est-ce qui nous montre dans ce verset? Que tawakkul est une adoration. Premièrement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait ordonné de placer notre confiance en lui, de compter sur lui. Deuxièmement, in kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du tawakkul une condition de l'authenticité de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a fait du tawakkul une condition d'authenticité de la foi. Troisièmement, ce qui est au début. Wa 'ala Allahi fatawakkalu. Yani taqdim. ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. Dans cette phrase, on voit qu'on a fait devancer ou à Allah. La syntaxe de base en arabe aurait été de dire fatawakkalu ala Allah. Fatawakkalu ala Allah. Mais on a fait devancer le harf jar et l'ism majrur. Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette figure de style donne l'exclusivité. D'accord? Le fait d'avoir mis ala Allah avant fatawakkalu, alors qu'à la base on aurait dit fatawakkalu ala Allah, ça nous donne l'exclusivité dans ce qui va être cité. En d'autres termes, placez votre confiance en Allah et pas en un autre que lui. Et ça a le sens. En ayant fait devancer ala Allah, ça nous donne ce sens-là. Placez votre confiance en Allah et pas en un autre que lui. Si vous êtes croyant. Donc ça c'est une qaïda. Taqdim ma haqqu ta'khir yufid al-hasr wa al-ikhtisas. Donc ces trois choses-là nous montrent que tawakkul est une adoration. Et l'ordre suffit. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Puis l'auteur a cité un autre verset dans lequel on nous montre des bienfaits du tawakkul. En plus de la preuve qui montre que tawakkul est une adoration. Donc celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit amplement. Ici, يعني هنا ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء حسنا فدل على أن التوكل عليه عبادة. Ici Allah سبحانه وتعالى c'est une récompense pour celui qui place sa confiance en Allah. Une bonne rétribution. De cela on tire que le tawakkul est une adoration. فهو حسبه أي كافي. Donc celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. Allah Azza wa Jal lui suffira dans toutes ses affaires. Et plus la personne a du tawhid, et plus la personne s'en remet à Allah, et plus elle abandonne son affaire chez Allah, plus la suffisance d'Allah Azza wa Jal couvrira tous ses besoins. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Donc cette adoration, c'est une adoration azima, qui est l'adoration des prophètes et des messagers. Et nombreux, très nombreux sont les versets qui nous montrent le tawakkul des prophètes et des messagers. Et cette adoration, celui qui l'adopte et la met en pratique, Yasir Akwannas deviendra l'homme le plus fort au monde. Biduni Mubalara, sans exagérer. Celui qui apprend le tawakkul et qui met en pratique le tawakkul bi'ilm wa yutabbiq hadhihi al-ibada yakun aqwa an-nas, il deviendra l'homme le plus fort. Et celui qui lit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apercevra de cela. À la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, lorsque les gens se sont réunis contre lui, à la bataille de l'Ahzab, et ainsi de suite. Le prophète sallam avait un tawakkul complet. Allah Azza wa Jalla l'a préservé de tous les maux. Ibrahim alayhi salam, pareillement, seul contre un peuple, et l'ont pris pour le jeter dans le feu. Il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au feu, comme vous le savez, de devenir fraîcheur salutaire. Et il l'a préservé ainsi. Lisez l'histoire de Hud, lisez l'histoire de Nuh et d'autres. Lorsqu'ils ont placé leur confiance en Allah Azza wa Jal, malgré leur petit nombre, Allah tabaraka wa ta'ala les a préservés. Naam. Wa dalilu tayyib. Avant cela, donc le tawakkul ala Allah est une ibada. Le tawakkul yanqasimu ila aqsam. Donc ce que nous avons cité ici est une ibada. En ce qui concerne le tawakkul al-shirki, c'est le fait de placer sa confiance, un âme, de s'en remettre à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une chose où seul Allah peut te répondre. C'est le fait de s'en remettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une affaire où seul Allah tabaraka wa ta'ala pouvait t'aider et t'accorder ce que tu demandais. التوكل الشركي هو الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Le fait de s'en remettre à autre qu'Allah dans une affaire où seul Allah était capable de t'aider, d'accord? Dans une chose où seul Allah Azza wa Jal était capable de t'accorder la chose recherchée, à ce moment-là c'est du shirk akbar wal iyad billah. Ensuite, الشرك الأصغر, ça peut être du petit polythéisme. Dans le cas où la personne place sa confiance, طيب, ou bien dans le cas où la personne compte sur un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans une affaire, en ayant comme croyance que c'est une cause. Et cette personne a la capacité de lui donner ce qu'il recherche. Par exemple, un travail, une chose qui a un rapport avec le dunya. Mais, il a rattaché son cœur et a trop penché avec son cœur vers cette personne. Il a exagéré dans la considération de la personne, l'a élevé au-dessus de son niveau et son cœur a penché. Alors le cœur ne doit pencher que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais les causes et tu as comme croyance que les gens sont des causes. Mais le cœur ne se dirige lui que vers Allah tabaraka wa ta'ala. Au moment où cette personne a penché avec son cœur et que son cœur s'est rattaché à la créature, elle a dépassé les limites et a élevé cette créature au-dessus de la place qu'Allah lui avait attribuée. Il est donc tombé ainsi dans الشرك الأصغر. عفان الله وإياكم. إذن إذا اعتمد على الغير فيما يقدر عليه لكن مال قلبه إليه وتعلق به تعلقا زائدا قد وقع في الشرك الأصغر. طيب. Il y a une autre, il y a une forme, na'am, tayyib. Avant cela, une remarque. Il n'est pas permis de dire à quelqu'un, tawakkaltu alayk. D'accord? Je m'en remets à toi. Ce n'est que les termes en français, il n'y a pas un terme qui reprend tout le terme du tawakkul qu'on trouve en arabe. Tu peux utiliser je compte sur toi, j'ai confiance en toi, et ainsi de suite. Toutes ces expressions, d'accord? Si on les cite seuls, ça peut être permis. Mais le mot tawakkul, en arabe, il englobe tout cela. Je compte sur toi, j'ai confiance en toi, j'abandonne mon affaire entre tes mains. D'accord? Cette chose-là n'est pas permise. Le fait de dire à quelqu'un tawakkaltu alayk. Et même, ou bien non plus, ou bien ni tawakkaltu ala Allah wa alayk. Et ni tawakkaltu ala Allah thumma alayk. Tout cela n'est pas permis. Pourquoi? Car le tawakkul c'est une ibada qalbiya. Tayyib, c'est une adoration du cœur. Donc tu ne peux pas dire je m'en remets à Allah puis à toi. Là. Voilà. Pourtant pour al-khawf, on a dit qu'il y a une peur naturelle. Pour al-raja, on a dit qu'il y a une espérance naturelle. Pourquoi pour être tawakkul on ne le dit pas? Hein? Quelle est la preuve que nous n'avons pas le droit de dire cela? Indaman. كيف؟ نعم mais sur le khawf فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين par exemple. Donc c'est par rapport نعم يعني نريد الدليل طيب على عدم جواز قول القائل توكلت على الله ثم عليك لا نعطي حظا من التوكل لغير الله طيب الدليل عدم الدليل la preuve c'est qu'il n'y a pas de preuve. Pour el khawf on a cité une peur naturelle. فاصبح في المدينة خائفا يترقب. Allah nous a cité une peur naturelle que Moussa a.s. a eue. Pour Al-Raja, on a cité le verset. Madha, ici, pour Al-Tawakkul, est-ce qu'il y a une preuve? Il n'y a pas de preuve. Alors, il n'y a que la part d'adoration. On ne peut pas l'utiliser pour autre que cela. Amma al-wikala, tuwakkil fulanan ala فعل كذا وكذا طيب هذا جائز بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. Par contre le fait de charger quelqu'un de remplir une mission, de faire quelque chose, cela est permis, mais on ne dira pas le mot tawakkul, on dira le wikala, le fait de déléguer quelqu'un ou le fait de déléguer une action à quelqu'un. Par exemple lorsque Yaqub alayhi salam envoyait ses fils à la recherche de Yusuf et de son frère Benyamin. Tayyib. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Tayyib. Ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé des sahaba de récupérer les sadaqat dans les différentes régions. Ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé al-hadi. Tayyib. Ou hajj. Il en a immolé 63 de sa main. Et a chargé Madha Ali radiallahu anhu de finir le reste. Donc c'est permis de déléguer. C'est permis de déléguer. Mais on ne dira pas le mot tawakkul. On dira le wikala. Naam. Hadith de Sadaqa dans le recueil d'Imam Bukhari, Imam Muslim, le hadith de Humayd al-Sa'idi. حديث علي بن أبي الحديث الأقصي السابق علي معروف صحيح مسلم. طيب في الأوتر passe à une autre adoration. Il en cite ici trois à la suite car ils sont venus dans le même verset. pour ça qu'il les a cités à la suite, contrairement aux autres. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. La preuve que l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié et l'humilité sont des formes d'adoration. La parole suivante d'Allah, ils s'empressaient d'accomplir de bonnes actions. Ils nous invoquaient dans l'espoir de nos récompenses et dans la peur de notre châtiment. Et ils nous étaient totalement dévoués avec humilité. الرغبة هي محبة الوصول إلى شيء المحبوب. محبة الوصول إلى شيء محبوب. الرغبة c'est le désir d'atteindre une chose que tu aimes. الرغبة c'est le désir d'atteindre une chose que tu aimes. طيب الرهبة بالهاء الرهبة طيب سفرار القلب إلى الله ذرعا وفزعا مع العمل بما يرضيه أو تقول الخوف مع الفرار من عذاب الله دونك ماذا الرهبة C'est le khawf al-muthmir lil-firar ila Allah. Ou bien tu dis firar al-qalbi ila Allah dhur'an wa faz'an ma'a al-'amal bima yurdi. Donc al-rahba c'est une peur avec laquelle ou par laquelle ou suite à laquelle l'homme se sauve par crainte d'Allah vers Allah. À la recherche ou bien en mettant en pratique ce qu'il agrée. Donc ça n'est pas une simple peur, mais c'est une peur avec laquelle l'homme se sauve de la désobéissance d'Allah vers l'agrément d'Allah. Tayyib, ar-rahba, c'est une peur plus spécifique que al-khawf. D'accord? Ar-rahba, la personne a peur. De cette peur découle un éloignement de la désobéissance d'Allah. Aussi, elle se dirige vers Allah en mettant en pratique ce qu'il aime. Donc, il y a une crainte avec des actions. Une crainte avec des actions. Ensuite, al-khushu' al-khushu' huwa dhul li'azamatillah. والفرار إلى الله مع الخضوع له الفرار إلى الله مع الخضوع له وذل له وذل له لعظمته Donc الخشوع c'est le fait de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala devant sa grandeur. C'est l'humiliation du serviteur devant Allah de par sa grandeur. Et le fait de se sauver vers lui en se rabaissant. Ceci est l'humilité. Al-Khushu'a. Al-Khushu'a, tout comme il atteint les cœurs, il peut être attaché aux membres. On peut parler de khushu' pour le regard, on peut parler de khushu' pour les membres, on peut parler de khushu' pour le cœur. Tayyib. Et tout cela est cité dans le Coran. Khashi'atan absaruhum. Tayyib. Quelle est la preuve qui nous montre que al-rahba et al-khushu' sont des adorations? L'auteur nous cite. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة والمسألة. طيب، في هذه الآية يصف الله سبحانه وتعالى الخلاص من عباده المؤمنين. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala décrit les meilleurs, l'élite de ses serviteurs. Il nous fait leurs éloges en citant ses actions. Ad-du'a avec rahba et rahba. Il décrit leur état avec al-khushu'. Le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse leurs éloges par ses actions nous indique donc que ces actions sont quoi? Hein? Des adorations. Des adorations. إذن أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين بل على ذروة المؤمنين بهذه الأفعال فدل ذلك على أنها عبادة. طيب، الدعاء ici englobe les deux formes de دعاء. On a cité hier que الدعاء se divise en deux. Quelles sont les deux formes? نعم، دعاء عبادة. Et l'autre, mas'ala. Dua ibada, dua mas'ala. Qui nous rappelle dua mas'ala, ce que signifie dua mas'ala avec un exemple? Naam. Dua mas'ala, c'est une demande explicite. D'accord? Et dua ibada, c'est l'ensemble des adorations. C'est l'ensemble des adorations. Mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné, nous éloigner de sa désobéissance. Taïm. Après tout cela, al-khawf, al-raja, al-rahba, al-rahba, on voit que les deux adorations citées ici, hein, en comparaison avec les deux d'hier, sont les mêmes avec une particularité en plus. On avait al-khawf, al-rahba, c'est al-khawf qui est plus spécifique. On avait al-raja, al-rahba, c'est un désir qui est plus spécifique. Voilà. Car il y a une mise en pratique en plus. D'accord? Taïb. Ici, il convient de se rappeler une chose importante, qui est que le croyant doit constamment se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala entre la crainte et l'espoir. Il espère, après avoir fait le bien, qu'Allah Azza wa Jal accepte ses bonnes actions. Il s'éloigne du mal par crainte du châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsque malgré tout il tombe dans le péché, il se dépêche de revenir vers Allah, de se repentir, puis il espère qu'Allah accepte son repentir. Alors lorsque nous citons ces adorations, le but n'est pas juste de mémoriser la définition, c'est de savoir comment adorer Allah Azza wa Jal au quotidien. Car il nous a créés que pour cela. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc toi, lorsque tu étudies ces choses-là, vu que tu comprends que ce sont des adorations, après avoir compris qu'Allah t'a créé que pour cela, tu dois te poser la question, comment mettre en pratique cette adoration au quotidien? Comment est-ce que tu mets en pratique au quotidien le dua? Tu demandes à Allah Azza wa Jal chaque jour ce dont tu as besoin. Tu ne minimises rien et ne trouves rien trop grand pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsque tu demandes al-Jannah, tu demandes al-Firdaus. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Tu as besoin de pain, tad'u Allah. Wallahi que les pieux prédécesseurs demandaient à Allah Azza wa Jal même du sel. Et lorsque l'un d'eux craquait ou déchirait ses chaussons, il faisait dua pour qu'Allah lui remplace. Subhanallah. Donc ne pense pas que tu n'as pas besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les choses minimes. Tu as besoin d'Allah pour tout. Wallahi, pour mettre un pied devant l'autre. Laoulallah, ma mashait. Sans Allah, tu ne pourrais même pas marcher. Et médite sur l'adhan et sur ce que tu réponds. Lorsque le muadhin dit Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar. Lorsqu'il dit shahadatan, tu dis shahadatan. Mais lorsqu'il demande une action, hayya ala salah, à ce moment-là, on te demande de te déplacer. et de marcher et de venir au masjid, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? T'invoques Allah Azza wa Jal. Tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Pourquoi? Car il n'y a pas de force possible, ni de passage d'un état vers un autre, si ce n'est avec la puissance d'Allah Azza wa Jal et sa permission. Alors lorsque tu entends Hayya ala salah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Tu te désavoues de toute force et de toute puissance, et tu affirmes cela uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est dua au quotidien. Tu es malade, tu fais dua, tu demandes à Allah qu'il te soigne. Tes enfants sont malades, tu fais dua, tu demandes à Allah qu'il les soigne. Tu veux un enfant, tu fais dua, tu demandes à Allah azza wa jalla une descendance pieuse et saine, en bonne santé. Tu as un problème, tu demandes à Allah azza wa jalla qu'il te le règle. Wa hakadha. Tu as une tristesse, une affliction, tu demandes à Allah azza wa jalla qu'il la soulève. Wa hakadha. Au quotidien, tu demandes tout ce dont tu as besoin. Tu fais dua pour ceux qui sont malades, tu fais dua pour ceux qui sont endettés, tu fais dua pour ta personne. Au quotidien, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala. Tous les jours, à chaque moment, il n'y a pas de moment pour faire dua. À chaque moment, tu fais dua. Puis il y a des moments plus madha propices, plus spécifiques. Comme, on va citer quelques exemples. Comme au dernier tiers de la nuit, وَبِلْ أَصْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَقْتُ النُّزُولِ الْإِلَهِ. C'est le moment où Allah Azza wa Jal descend ciel de ce bas monde et pose trois questions. Et il nous demande qu'est-ce qu'il lui demande afin qu'il lui donne. Qu'est-ce qu'il lui demande pardon afin qu'il le pardonne. طيب. Il y a également entre l'adhan et l'iqama. Entre l'adhan et l'iqama. C'est un moment où le prophète sallam nous dit que les deux ne sont pas rejetés. Lors du sujoud, quand tu es en prosternation, le prophète sallam nous dit que c'est le moment où on est le plus proche d'Allah. Hein? Donc faites beaucoup de dua. طيب. La dernière heure du Jumu'ah. Avant le Maghrib, c'est un moment aussi où les invocations sont exaucées. Taïeb. Lors d'une grande difficulté, amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'. Lorsque tu as un gros problème, c'est un moment où Allah Azza wa Jalla t'exauce. Fi safar, lorsque tu es en voyage, le prophète sallam nous dit que les invocations sont exaucées. Et il y a encore d'autres situations. On profite-en et fait de dua. C'est une des meilleures adorations. C'est la meilleure adoration. Tu invoques Allah, tu as confiance en Allah, et tu te rappelles les noms, les attributs d'Allah. C'est le généreux, c'est le vivant qui meurt jamais. Taïb. C'est Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wadud, Al-Shakur, wa hakadha, t'invoques Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les causes pour qu'on exauce tes dua, le fait d'avoir le cœur présent dans ta demande. D'avoir confiance en Allah Azza wa Jal, de le connaître, de lever tes mains, hein, vers le haut, vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le fait de manger que du halal, le fait de manger que du halal, et de porter des vêtements halal, et de travailler dans al-halal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْغَسَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْ لَسَّمَاءَ يَا رَبْ وَمَطْعَمُ حَرَامُ وَمَشْهَبُرُ حَرَامُ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis il cite en parabole un homme, en exemple un homme qui fait un voyage, ébouriffé, poussière. Il lève ses mains vers le ciel et il dit Ya Rab, une des causes d'acceptation des dua, التواصل بأسماء الله. Le fait d'invoquer Allah avec dua mas'ala, tu utilises le nom d'Allah Azza wa Jal qui a un rapport avec ta demande. Ya Rahim, irhamni. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Tawwab, tub alay. Et ainsi de suite. Et de cela, tu vois l'importance de l'étude des noms et des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walillahi l'asma'ul husna fad'uhu biha. Allah nous dans le Coran et Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Il lève ses mains vers le ciel et dit, ô Seigneur, ya Rab, mais, donc en apparence, il a réuni les causes pour qu'on accepte ses invocations, ses demandes. Il est en voyage, dans une difficulté, les cheveux pleins de poussière, ébouriffés, et ainsi de suite. Et il dit, ya Rab, et il lève ses mains. Ça, c'est les causes d'acceptation des du'as. Mais, mat'amu haram. Sa nourriture, elle est haram. Wa mashrabu haram. Ce qu'il boit, c'est haram. Wa ruziya bil haram. il a grandi en mangeant du haram. Ou bien il a grandi et ses parents le nourrissaient de haram. Ça, la différence avec la shadda ou pas. Donc ici, il y a un tanbih pour les parents. Subhanallah. Car c'est une cause de adam et tawfiq. Le fait que l'enfant grandisse en mangeant du haram, c'est une cause pour adam et tawfiq wal iyadu billah. C'est une cause pour qu'il n'obtienne pas la réussite. À la fin du hadith, fa'anna yustajabula. Yani istib'ad l'istijaba. Yani loin d'Allah Azza wa Jal le fait d'exaucer une personne qui est un yani de la sorte. Donc celui qui travaille dans le haram, celui qui mange du haram et ainsi de suite, c'est une cause pour qu'on n'accepte pas cette dua. Ça c'est pour être dua. Donc au quotidien vous invoquez Allah tabaraka wa ta'ala. Et les savants disent qu'il convient à l'homme de se mettre à l'écart une partie de la journée et de faire ses comptes et de regarder sa relation avec Allah, ce qu'il a de bien et ce qu'il a de mauvais. Ce qu'il trouve de bien, il remercie Allah, il lui demande l'augmentation, et ce qu'il trouve de mal, comme mal, il se repent. Puis il invoque Allah tabaraka wa ta'ala, il lui demande. Ainsi son cœur s'humiliera, son cœur se fendra devant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi. Donc ça c'est un amal azim, hein, qui est très facile mais dont on est distrait. Subhanallah, tu fais du'a. Tu peux faire du'a en marchant. Tu peux faire du'a au travail. Tu peux faire du'a en étant assis. Tu peux faire du'a en attendant quelqu'un. Waha kadha barakallahu fikum. Ensuite, el khawf, la crainte d'Allah. Hein? Tu dois toujours avoir cela dans ton cœur pour pouvoir t'éloigner de sa désobéissance. Qu'est-ce qui va faire qu'en privé, tu ne vas pas désobéir à Allah? Qu'est-ce qui va faire que tu auras peur du châtiment d'Allah? C'est le khawf, cette adoration. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient « لو فارق الخوف قلبي ساعة لخرب » Si la crainte d'Allah se séparait de mon cœur, ne serait-ce qu'un temps, mon cœur sera anéanti. C'est une des plus grandes adorations par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah et s'éloigne de sa désobéissance. Ensuite, al-raja, l'espoir. Qu'est-ce qui fait que tu agis? Hein? Tu crois au jour dernier, tu sais que tu vas revenir vers Allah et qu'Allah il est bon, il est généreux et il rétribue pleinement. Hein? Combien d'actions tu as faites et tu as oublié? Allah n'oublie rien. Tout a été inscrit. Tu trouveras tout et on va te multiplier ces bonnes actions. Subhanallah. Celui qui a une hasana yawm al-qiyam, après le jugement, il rentre fil jannah. Une hasana après le jugement, après la balance. S'il te reste une hasana, tu rentres fil jannah. Et Allah Azza wa Jal la prend et il la multiplie, et il la multiplie jusqu'à ce que tu atteignes les hauts degrés du paradis. Allahu akramul akrami. Allah c'est le plus généreux, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait que la personne dépense de son argent alors qu'elle aime cet argent? C'est raja, c'est l'espoir. Il sait qu'il va trouver cela yawm al-qiyama. Tu vas quitter dunya, wallah, tu vas partir comme tout le monde. Comme les rois sont partis sans rien. Et wallah, tu n'apporteras rien avec toi. Pas d'argent. Ni femme, ni enfant. Il n'y a que tes actions qui vont descendre avec toi dans ta tombe. Et yawm al-qiyama, c'est ce que tu trouveras. Tu vas regarder à ta droite, tu trouveras que tes actions. À ta gauche, que tes actions. Donc c'est ici que nous devons agir. Qu'est-ce qui va te pousser à agir? C'est raja, c'est l'espoir de trouver cela chez Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui croit en Allah et qui espère en lui n'aura pas peur de la pauvreté. Il n'aura pas peur du lendemain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il avait, le donnait. Il donnait tout. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que faire de ce bas monde. Il œuvrait dans ce bas monde pour trouver sa rétribution dans l'au-delà, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Puis l'auteur nous dit, wa dalilul khashyati qawluhu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawun. Ensuite, l'auteur nous dit, la preuve que la crainte est une forme d'adoration est la parole suivante d'Allah. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt. Al-khashya, qarib, ma'adha, ma'ana al-khashya qarib min al-khawf. Tayyib. Illa annahu khawfun mas'hubun bi'ilm. Tayyib. Al-khashya est une adoration proche de la crainte ou proche de la peur. Mais il y a une science de celui dont il a peur en plus. الخشية إذن الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. الخشية c'est donc une crainte qui est basée sur la connaissance de la grandeur et de la capacité de celui dont tu as peur. Est-ce que c'est wadah? Donc la crainte, c'est une peur qui est basée et accompagnée d'une connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la grandeur et du pouvoir de cette personne ou de la chose dont tu as peur. On va citer deux exemples pour éclaircir cela, comme l'a fait Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Si tu as peur de quelqu'un, mais tu ne le connais pas, tu ne sais pas s'il est fort ou pas, d'accord? S'il a la capacité de te nuire ou non, ou pas. On appellera cela khawf, de la peur. Mais si, par exemple, tu as un grand frère, d'accord? Et à chaque fois que tu te disputes avec lui, quand tu étais petit, c'est lui qui, qui était plus fort, qui prenait le dessus, d'accord? Donc tu connais sa capacité et tu sais qu'il est plus fort que toi. Tu as donc peur de lui. Comment est-ce qu'on appellera cela? Khashiya. Est-ce que c'est wadah la différence entre les deux? La peur, tu ignores la capacité de la personne. La crainte, tu connais la capacité et le pouvoir de la personne. Tayyib. L'auteur a cité comme preuve la parole d'Allah, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ. Donc, وَجُدْ دِلَالَ الْأَمْرُ بِهِ. Le fait qu'Allah ait ordonné ici الخشية est une preuve qu'الخشية est une adoration. الخشية est donc accompagnée de science. C'est pour cela qu'on trouve dans le Coran, concernant les savants, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Les seuls à craindre Allah véritablement sont les savants. Car ils connaissent Allah tabaraka wa ta'ala, son châtiment, son paradis, son enfer, pardon. Wa aqsam al-khashiya ka aqsam al-khawf. Et la division de l'khashiya, c'est ce qu'on a cité pour la division de la peur. Donc al-khashiya est une peur plus spécifique. Plus spécifique. Puis l'auteur nous dit wa dalil wa inabati qawluhu ta'ala. La preuve que le retour vers Allah est une forme d'adoration. Ici, vous avez le repentir. Dans ce livre, le mieux, c'est de dire le repentir pour At-Tawba et le retour vers Allah pour Al-Inaba. Donc, vous corrigez. Vous avez dans le livre la preuve que le repentir est une forme d'adoration. Vous mettez une remarque pour le repentir, une annotation, et vous mettez le retour. Plutôt pour l'inaba, vous mettez le retour à Allah. Comme ça, on dira pour at-tawba, le repentir. Naam. Taïb. Al-inaba, l'oratan huwa al-ruju' ila shay. Al-inaba, l'oratan, c'est le retour, c'est le fait de revenir vers une chose. Wa shar'an al-ruju' ila Allah bil-qiyam bi-ta'atihi wa ijtinab ma'siyatihi. Al-inaba huwa al-ruju' ila Allah ta'ala. بالقيام بطاعته واجتناب معصيته حبا له وخوفا منه ورجاء لما عنده. طيب مع المحبة والخوف والرجاء. Donc الإنابة c'est le fait de revenir, de retourner vers Allah. D'accord? الإنابة c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. En mettant en pratique ses ordres, en s'éloignant de ses interdits, et le tout avec amour, crainte, ou bien le tout avec amour, peur et espoir. Wadah, al-inaba, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant quoi? En mettant en pratique ce qu'il nous a ordonné et en s'éloignant de sa désobéissance. Avec amour, peur et espoir. Ça c'est l'inaba. C'est une ibada azima jiddan. وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ التَّوْبَةِ. C'est une adoration qui est plus particulière que le repentir. Car dans le repentir, tu délaisses le péché. Alors que dans l'inaba, non seulement tu délaisses le péché, mais tu vas vers Allah et tu lui obéis. Tu te dépêches d'aller vers Allah Azza wa Jal avec amour. Tu obéis à Allah Azza wa Jal avec espoir. Tu délaisses sa désobéissance par peur de son châtiment. Donc c'est mieux que At-Tawbah. Aussi, une autre différence, c'est que le mot Tawba, on peut l'utiliser pour Allah Azza wa Jal, on peut l'utiliser pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais pas l'inaba. Mais pas l'inaba. Taïb. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. La preuve que l'inaba, le retour vers Allah, est une adoration. Ici aussi en français, vous avez repentez-vous. Le mieux c'est revenez vers Allah et soumettez-vous à lui. Revenez vers Allah et soumettez-vous à lui. Vous avez compris maintenant le sens de l'inaba. D'où l'importance d'étudier la langue arabe, subhanallah. Regardez pour l'inaba. Vous avez compris la richesse de ce mot. En français, nous allons traduire cela en disant et revenez vers Allah. Est-ce que ça nous dit vraiment ce qu'est l'inaba? Wallahi, même pas la moitié. Même pas la moitié. Lorsque tu l'entends en arabe, c'est azim. Hein? Lorsque tu l'entends en français, c'est à l'image de la langue française, qui est pauvre par rapport à la langue arabe, malgré que c'est une langue riche par rapport aux autres langues. Que dire alors des autres langues? Hein? Que dire alors des autres langues? Donc il nous faut étudier la langue arabe. C'est muhim jiddan. C'est très très important. Tayyib. Donc ici, dans ce verset, Allah nous ordonne de revenir vers lui. Il nous ordonne l'inaba, ça nous prouve que l'inaba est une adoration. D'accord? Celui qui a compris comment reconnaître une adoration n'aura pas de difficulté pour démontrer que telle chose est une adoration. Soit avec la preuve générale, soit avec les preuves particulières. Wa aslimu lah al-islam al-shar'i. Lianna al-islam, al-istislam yanqasimu ila qismayn. الشرعي والكوني الإسلام الشرعي أي الاستسلام لشرع الله طيب لحكم الله الشرعي. Donc Allah nous ordonne dans ce verset également de nous soumettre à lui, c'est-à-dire la soumission dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, c'est la soumission volontaire devant les ordres d'Allah Azza wa Jal. Car la soumission est de deux types. الشرعيه et mettre en pratique la religion d'Allah Azza wa Jal. Et Al-Kawniya, c'est la soumission universelle. Hein? C'est devant le décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans ça, nous n'avons pas le choix. Dans ça, nous n'avons pas le choix. Allah donne la vie à un tel, il donne la mort à un tel, il fait pleuvoir dans tel endroit, il fera chaud dans tel endroit. Ça n'est pas de ton ressort. Mais ici, de prier ou de ne pas prier, d'être bon envers tes parents ou pas, ça, c'est une soumission volontaire. Al-Istislam est Al-Shar'i. Taïb. Puis l'auteur nous dit وَدَلِلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَفِي الْحَدِيثِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Puis l'auteur nous cite une autre adoration. Il nous citera ici trois adorations qui rentrent dans le dua. ماذا الاستعانة الاستعاذة الاستغاثة. الاستعانة est la demande d'aide, طلب العون. Et ce préfixe ist en arabe, souvent il vient dans le sens de demande de. Est-ce que c'est compris? استعانة استغاثة استسقاء. D'accord, ce qu'on trouve au début ist. Vous suivez? Yani, la plupart du temps en arabe, lorsqu'on voit ça dans un mot au début, ça signifiera la demande de, et ensuite on regarde la suite. C'est compris? Par exemple, al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Al-isti'adha, c'est la demande de protection. Al-istighatha, c'est la demande de secours. Al-istisqa et la demande de suqiyah, de la pluie. C'est l'heure de l'adhan. Même 2 secondes, on les utilise. Peut-être c'est 2 secondes avec lesquelles on rentre fil Jannah. Taïb. Donc, al-isti'ana talabul aoun. Talabul aoun. Taïb. Min Allahi fil wusuli ila al-maqsoud. Al-isti'ana, sa définition est talabul aoun min Allah. Talabul aoun min Allah fil wusuli ila al-maqsoud. C'est le fait de demander l'aide à Allah afin d'atteindre ce que tu recherches. Donc la demande d'aide, al-isti'ana, c'est le fait de demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre ce que tu recherches, ton but. Il y a al-isti'ana, ibadah, ce que nous venons de citer, wa hiya tatadamman kamal al-dhull lillah ta'ala wa tafwid al-amr ila Allah tabaraka wa ta'ala ma'a i'tiqad kifayatih. Donc al-isti'ana ibada est ce que nous avons cité, et ça inclut le fait de s'humilier devant Allah tabaraka wa ta'ala et d'avoir comme croyance qu'il nous suffit, d'avoir comme croyance qu'Allah Azza wa Jal nous suffit dans notre affaire. Donc tu demandes l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, tu fais dua, et dans ton cœur tu as la pleine conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala te suffit pour atteindre ton but, et tu abandonnes ton affaire chez Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Ensuite, il y a une demande d'aide qui est permise. On avait expliqué que dua se divise en deux, ibada et mas'ala. Donc, il y a l'isti'ana qui rentre dans dua mas'ala. Donc c'est permis si la personne est vivante, présente, capable, et que la chose qui est demandée est permise. Ou recommandée. D'accord? Ou plus. Donc, na'am, ou recommandée plutôt. Donc si la personne est présente, elle est vivante, elle est présente et elle est capable, c'est-à-dire que ça rentre dans la capacité du fils d'Adam en général, tu as le droit de demander l'aide. C'est permis. Puis ensuite, on regarde la chose. D'accord? On regarde la chose qui est demandée. Si elle est permise, alors cette action sera permise. Si elle est haram, cette action sera haram. La preuve est le verset où Allah Azza wa Jal nous dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wa al-udwan » La suite du verset de Surat Al-Ma'ida. Taïb, entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le mal et la transgression. Troisièmement, al-isti'anatu shirkiyya. La demande d'aide qui est du polythéisme majeur. Wal-iyadu billah. C'est le fait. Yani talabu al-awn min ghayrillah fi ma la qadiru alayhi illallah. طلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وكذا طلب العون من الأموات مطلقا. Donc le fait de demander l'aide à autre qu'Allah dans une chose où seul Allah a la capacité, c'est du shirk akbar wa al-iyadu billah, car la personne aura rendu la créature égale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre dans cela aussi le fait de demander l'aide à un mort, celui qui demande l'aide à un mort, quel qu'il soit, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk akbar. Celui qui demande de l'aide à un mort a comme croyance que ce mort a des particularités que seul Allah azza wa jal possède. Voyez. Et on regarde pas dans sa demande, est-ce qu'il a demandé une chose? À la base, le fils d'Adam peut le faire ou pas? On regarde même pas ça. Celui qui demande à un mort, c'est du shirk akbar directement, wal-iyadu billah. Comme le font certains égarés. Comme al-rafidah, qabbahahumullah, comme al-rafidah. Ceux qui insultent les compagnons. Une partie d'entre eux sont en Irak, d'autres au Yémen et dans d'autres endroits. Il y en a des branches de Shia. Des branches de chiites, Taïb, qu'on appelle Al-Rafida. Al-Rafida, ce sont des kuffars. Ils ne sont pas musulmans. Ils invoquent Utkallah, ils égorgent pour Utkallah Azza wa Jal, ils insultent les compagnons, ils insultent Aïcha, ils assassinent les musulmans, wa hakada. As'Allah subhanahu wa ta'ala intaqima minhum. Wa yahfadha al-muslimin min sharrihim. Qu'Allah préserve les musulmans et les gens de leur mal. Donc celui qui demande l'aide à un mort, طيب, c'est du shirk akbar. Celui qui demande l'aide à autre qu'Allah Azza wa Jal dans une chose où seul Allah pouvait l'aider, également c'est du shirk akbar. Par exemple, celui qui demande de l'aide à un homme là au jour d'aujourd'hui pour entrer, par exemple, fil jannah, il lui dit yawm al-qiyama, طيب, fais-moi entrer au paradis. Seul Allah Azza wa Jal peut faire entrer quelqu'un au paradis. Ou aide-moi à traverser le pont as-sirat. Ou sauve-moi du feu de l'enfer. Ou pardonne-moi mes péchés. Ou et ce genre de choses. Seul Allah Azza wa Jal donne cela. Ou bien la pluie, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut donner la pluie en dehors d'Allah? Là, abadan. Tayyib. Tamam. وهذا النوع لا يزور إلا ممن اعتقد في هؤلاء تصرفا خفيا في الكون ويزور من غلاة الصوفية المشركين أو الرافضة الكفرة. طيب. Quelle est la preuve que l'isti'ana est une adoration? إياك نعبد وإياك نستعين. ما وجه استدلال؟ En quoi ce verset إياك نعبد وإياك نستعين nous prouve que l'isti'ana est une adoration? Car يعني comme nous avons cité la règle تقديم ما حق وتأخير يفيد الحصر والاختصاص. Le fait qu'on ait cité en premier إياك et ensuite نعبد. طيب. Alors qu'à la base, la syntaxe de la langue arabe aurait été na'abuduk. D'accord? Donc ça donne comme sens à la phrase, tu es le seul que nous adorons et tu es le seul auprès de qui nous recherchons l'aide. D'accord? Donc al-isti'ana est la demande d'aide. Pas comme dans la traduction du mushaf en français, on voit la demande de secours. C'est la demande d'aide. Taïb, la deuxième preuve. إذا استعنت فاستعن بالله. Et lorsque tu recherches l'aide, recherche-la à Allah, auprès d'Allah. Ça c'est le hadith ibn Abbas. Le prophète sallam lui a dit lorsque tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Donc ici c'est un yani demande-la à Allah et pas à un autre. Donc c'est une particularité pour Allah, c'est donc une adoration. Wa salli Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.